mulher, c'est toujours du bruit en passion. Mais ça, ça pas facile, en bonnet c'est fragile. Même si Caroline, moi pas t'es toujours là. Moi t'es les filles vraiment, ça me caresse santé. La peine pas pour moi c'est. Aimez-moi, laissez-moi tout seul.